j'ai trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. Chaque jour c'est la crise, évite de faire la maille. J'attends que la juge, c'était délibère ma drague. Nico, j'suis trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. Chaque jour c'est la crise, évite de faire la maille. J'attends que la juge, c'était délibère ma drague. Die, bébé, moi j'suis die. Plein de fric dans les poches, c'est vous qu'on s'en bat de die. Aujourd'hui j'suis KO, quand j'rentre ce soir tu me masses. Va faire du shopping sur la commode y'a Malias. Prends la quête de la gauve, s'te plaît ne fais pas de trace. Charo c'est Charo, toujours avec classe. Toi-même t'as capté, dans le bail on est certifié. Elle peut pas me quitter, car elle sait que je brasse. Pour poser dans un bar à table, foncer jusqu'à demain matin. Toujours confiance en mon karaté. On t'a rafale ta mère mais on t'a raté. Motherfuck bah t'as raté. Digo j'suis trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. Chaque jour c'est la crise, évite de vous faire la maille. J'attends que le juge, c'était délibère ma drague. Digo j'suis trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. Chaque jour c'est la crise, évite de vous faire la maille. J'attends que le juge, c'était délibère ma drague. Sale fils de chouin, desserre les menottes. Faut faire doucement, faut pas me gêner. Chaque jour la même, et c'est rebelle. Marché fermé, garde à vie pour fleurir enfermé. C'est lui qui est pour me sortir en permis. Hôtel de lui, cracher du sperme. Gamos de lui, conduire sans permis. Donc, t'as capté les balles. Ils ont beau parler, façon d'où on fait la maille. Tu sais d'où l'on vient, dans nos rues ça sent le sale. Au bord de la jungle, on finira comme des braves. Quand je prends son cul, je prends mon pied. Va dire à François qu'on revient d'Hollande. C'est comment en gros, c'est commando. Va dire aux autres, c'est nous qu'on commande. Digo, j'suis trop taille. J'suis dans le fond du bail, j'ai mon colis sur la taille. Chaque jour, c'est la crise, évite de vous.